Québec. Écoutantique, 160 rue Saint-Paul. Et pour en savoir plus, écoutantique.com. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Tout le monde, c'est Michel Monnette au micro. Je m'en voudrais de ne pas d'abord vous dire à quel point j'ai été, comme beaucoup d'entre vous, touché et horrifié par les événements qui se sont produits au Charlie Hebdo. Si jamais quelqu'un qui a été touché directement par ces événements m'entend, je lui offre et j'offre toutes mes sympathies à toutes les personnes touchées directement par ce drame. Cette semaine, nous allons être en Russie. En Russie, à toute l'émission. On était en Pologne la semaine passée. On se déplace un petit peu vers l'est, quoi. Tranquillement, pas vite. Peut-être même qu'on va aller encore plus à l'est la semaine prochaine. Enfin, c'est à voir. Fait un bout de temps que j'essaie d'aller du côté de l'Indonésie. Je vais peut-être finir par trouver suffisamment de matériel pour vous présenter des artistes de ce pays. Je rappelle que Les Oreilles ailleurs, c'est une émission qui vous présente des chansons en toutes sortes d'autres langues que l'anglais ou le français et de pays partout à travers le monde. Mais je ne dis pas qu'un jour, ce ne sera pas une émission sur des langues des Premières Nations ici, au Québec et au Canada. C'est à surveiller. Donc, je vous disais qu'on est en Russie. On commence avec un groupe de rock d'avant-garde qui s'appelle Auction, A-U-K-T-Y-O-N. C'est un groupe qui date... quand même de un certain temps. Il s'est formé en 1978 à Saint-Pétersbourg. À l'époque, ça s'appelait Leningrad, Saint-Pétersbourg. Et à l'époque, c'était assez difficile de jouer du rock en Russie. Le régime interdisait cette musique qui était symbolique du capitalisme, symbolique de l'Ouest. Le groupe s'est formé autour de Leonid Fyodorov, qui est toujours là, et d'Oleg Garkusha. C'est un style qui allie des éléments de jazz, de ska, de new wave, de chansons et de poésie chantée aussi, des poètes russes, des poètes réputés dans leur pays, en Russie. Dans les années 80, c'était plutôt post-punk le style qu'ils avaient. Ils ont adopté un style plutôt... ska, reggae, ethno-musique, acid jazz par la suite. Puis finalement, ils ont réussi à trouver le style qui est le leur. Et c'est ce qu'on va entendre d'ailleurs dans trois chansons tirées d'un album, leur dernier album qui s'appelle Top. C'est un album paru en 2011. On va écouter d'abord Ogun Fire, feu, fire. Ensuite, Shishki et Letu Shaya. On les écoute. Моя звезда и мой огонь, и дольше льда твоя ладонь за далью даль, за раем рай, играй, играй.

небоскребы, губы туполобы, гробы над гробы, погреба цвет фиолетовый, сноб за снобы, обыскребы, поскребы, судьба. On dit à titre ponction qui parviennent à rendre mélodiques des sonorités abruptes de la langue russe qui, faut dire que la voix de Fedorov y est pour beaucoup, ça peut soigner, ça peut rocker avec la même virtuosité dans un cas comme dans l'autre. Il y a quelque chose de tropical aussi, de manouche dans cette musique un peu folle, pas très limpide et parfois carnavalesque dont les musiciens semblent jouer dans un équilibre instable, vous avez pu le constater, tel des funambules ivres et rigolards. On écoute la prochaine chanson, Letushaya, qui veut dire voler. Thank you. рай. За Дали Урал, за Дали Урал, играй. И в том краю, в лихом бою, мы будем петь печаль свою. За Дали Урал, за Дали Урал, играй, играй. Qu'il y a quelque chose de carnavalesque dans ce groupe Auction, A-U-K-T-Y-O-N. C'est un groupe russe de la région de Saint-Pétersbourg, un groupe qui roule sa bosse depuis 1978. On passe maintenant à une chanteuse qui est du même coin. C'est une chanteuse de Saint-Pétersbourg que j'ai découvert via un album qui s'appelle The Best of Russian Indie, un album paru en 2014. Je n'ai pas les pièces qu'on va écouter sont pas tirées de cet album. J'ai pas trouvé tellement si extraordinaire cet album, mais par contre j'ai été quand même séduite par cette chanteuse qui s'appelle Nina Carlson, K-A-R-L-S-S-O-N. C'est une pianiste, elle chante, c'est une auteure-compositeur aussi. Elle a fait des études en musique classique et en jazz. Elle est graduée du Conservatoire de Saint-Pétersbourg et sa carrière musicale a débuté en 2008, donc il y a 5 ans. Quelqu'un a écrit quelque part, j'ai pas retenu l'endroit, mais quand même, je trouvais ça sympathique. Il y a à travers ces différents portraits de Nina Carlson la métamorphose d'une jeune fille de bonne famille russe, cultivée et musicienne, qui petit à petit devient égérie d'un groupe de musiciens rock, abandonnant Rachmaninoff et Shostakovich pour ses propres compositions qui accompagnent sa voix claire et puissante. Eh bien, pour vous donner une idée de cette voix, on va écouter d'abord écouter la chanson Tant Sevat. Thank you. И красота, и красота, и красота, и красота. C'était Nina Carlson, la chanteuse russe Nina Carlson de Saint-Pétersbourg. Ça s'écrit K-A-R-L-S-S-O-N. Elle ne chante pas qu'en russe, Nina Carlson. Elle est à surveiller, d'ailleurs. La chanson que vous avez entendue s'appelle Rétro. C'est tiré, les deux chansons, la précédente et celle-ci, sont tirées d'un album qui s'appelle Caméléon, un album paru en 2013. On s'en va à la pause et on poursuit ensuite avec la magnifique Zamfira. 89.1. Bonjour, ici Frédéric Lizotte, blogueur et porte-parole à la Régie des rentes du Québec. Pour la plupart d'entre nous, la retraite va durer plus de 20 ans. Et calculer combien d'argent épargner pour la retraite, ça se fait pas tout seul. Faites-le en ligne avec l'outil Simulaire. Simulaire, c'est 5 étapes faciles. Parce qu'à plus de 20 ans de retraite, ça vaut bien 5 minutes. Votre retraite se calcule maintenant sur jeplanifie.gouv.qc.ca. Un message de la Régie des rentes du Québec. Pour une troisième année, la Ligue québécoise L'Impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'Impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 18 janvier 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise L'Impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 88 522 43 73, labarberie.com. Mais moi, je dors avec les poings fermés. Alors, c'est marrant parce que je m'en suis aperçue il y a quelques temps. Je dors vraiment comme les enfants. J'ai toujours les poings fermés, comme si je voulais garder en moi, le mystère de la nuit. Voir nos devis depuis tout temps. Aurélie Cabrel et ses mystères à Sentier Secret, mardi 13 janvier à 10h. Le futur, personne n'y pense. Vous êtes toujours sur les ondes du 89.1, c'est KRL à Québec et c'est l'émission Les oreilles ailleurs. Mon nom est Michel Monnet, ça me fait plaisir chaque semaine de vous présenter des chansons d'ailleurs dans le monde. Cette semaine, nous sommes en Russie et ça se poursuit avec trois chansons tirées d'un album qui se voulait un hommage à Victor Tsoï. C'est un album qui est paru l'an passé, Victor Tsoï qui est décédé à... un peu plus de 25 ans maintenant. Victor Tsoï, c'était le chanteur d'un groupe mythique russe qui s'appelle Kino, K-I-N-O. Donc, on lui a fait un album, on lui a rendu hommage. On lui avait déjà rendu hommage, mais là, on a décidé de refaire le tout l'an passé dans un album. Et la première chanson qu'on va entendre, c'est une chanson de... C'est une de ses chansons. Ce sont toutes des chansons qui ont été composées par Victor Tsoï. La première, c'est de la chanteuse, la magnifique chanteuse Zamfira. Je vous ai déjà présenté Zamfira. C'est pas la première fois que je la fais jouer. Probablement, d'ailleurs, qu'à un moment donné, je vais consacrer toute une émission à cette chanteuse parce qu'elle est un peu exceptionnelle dans le firmament russe. La chanson que je vais vous faire jouer, j'essaie de trouver depuis tantôt la translittération. C'est pas évident. Je vais continuer de chercher et puis pendant ce temps-là, je vais vous la faire jouer. On écoute donc Zamfira dans une chanson qui avait été composée par Victor Tsoï du groupe Kino et c'est tiré d'un album Tribute to Victor Tsoï. Среди связок в горле комом теснится крик. sta vara e todos critinha criti. Лишь потом кто-то долго не сможет забыть, как шатаясь бойцы об траву вытирали мечи, и как хлопало крыльями черное племя. Как смеялось небо, а потом прикусило язык, и дрожала рука у того, кто остался жив. И внезапно вечность вдруг превратился в мир. Костром закат, и волками смотрели звезды из облаков, как раскинув руки, лежали ушедшие в ночь, и как спали. А жизнь только слово, есть лишь любовь и есть смерть. Эй, а кто будет петь, если все будут спать? Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать. Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь. Là, j'ai retrouvé la translittération, c'est légende d'âge. C'est une chose qui arrive, là, tout simplement, le petit logiciel dans lequel je prends toutes les notes, celle-là avait disparu. Alors, légende d'âge, ça s'appelle, c'est Zamfira qui chantait cette chanson. C'est une des trois chansons que je vous présente qui sont tirées d'un album hommage à Victor Tsoï. On va écouter Melnitsa. C'est un groupe, Melnitsa, c'est un groupe russe de néo-folk rock créé en 1999 par Natalia Oshie, qui est la chanteuse principale du groupe, et Alexei Sapkov, à partir d'un groupe précédent qui s'appelait en tout cas Ulens Piegel. Et ensuite, on va écouter une autre chanson, Ukodi, par un groupe qui s'appelle Underground Hip Hop, qui s'appelle Ship a Ship. On écoute ces deux chansons qui sont un hommage au chanteur décédé. Il est décédé dans un accident d'automobile en passant. Il a frappé un autobus en 1992. Мое вижу тебя. Я глух, но я слышу тебя. Я не сплю, но я вижу сны. Здесь нет моей вины. Я не много, слышишь меня? И эти мы сильны. И снова приходит ночь. Я пьян, но я слышу дождь. Дождь для нас. Квартира пуста, но мы здесь. Здесь мало что есть, но мы есть. Дождь для нас. Ты видишь мою звезду. Ты веришь, что я пойду. Я слеп, я не вижу звезд, я пьян, но я помню свой пост. Ты смотришь на Млечный Путь. Я ночь, а ты утро, суть. Я сон, я не виден тебе. Я слеп, но я вижу свет. И снова приходит ночь. Я пьян, но я слышу дождь. Дождь для нас. Квартира пуста, но мы здесь. номер. Я, может быть, позвоню. А вообще я не знаю, зачем мне нужны эти цифры. Я уже даже не помню, как там тебя зовут. И теперь для меня номера телефонов как шифры. Уходи, оставь телефон. Мы встретились чисто случайно. Я даже не помню где. Вероятность второй нашей встречи равна нулю. А теперь ты не хочешь уйти. Говоришь, что не можешь уйти. Уходи, я тебя не люблю. Уходи, оставь телефонный дир. Уходи, оставь телефонный. Оставь телефонный дым. Уходи, оставь телефон. C'était la troisième chanson de cet album qui se voulait un hommage au chanteur Victor Tsoï du groupe russe Kino, décédé trop jeune. Il était quoi, à peine au début de la quarantaine, et peut-être même moins. Je crois qu'il était même au milieu de la trentaine, Victor Tsoï. Kino, c'est quand même un groupe qui fait partie des groupes légendaires de la musique rock russe. C'est un groupe qui a commencé sous le régime soviétique et s'est poursuivi par la suite. Mais après Victor Tsoï, le groupe n'a jamais plus été le même. On poursuit avec une chanteuse que j'ai découvert via The Best Russian Indie 2014. Quand même, c'est la deuxième dont je vous parle à propos de cet album. La première, c'était Nina Carlson qui chante, je vous l'ai dit tantôt, en russe et en anglais aussi. Elle est à surveiller, cette jeune. Elle chante depuis 5 ans et c'est vraiment superbe ce qu'elle fait. Mais là, je vais vous parler plutôt de Nadia, N-A-A-D-I-A. Nadia, c'est le titre d'un album qui a été fait par cette chanteuse électropop. Nadia, N-A-A-D-I-A, c'est un projet de... Elle est moscovite, elle est de Moscou. Nadia Gritskevich. Elle était dans un groupe qui s'appelait More Money, un groupe quand même qui roule sa bosse depuis quelques années, qui est actif depuis quelques années. Elle s'est donnée comme défi de réaliser ce projet musical en russe, parce qu'elle chantait surtout en anglais. Et là, elle s'est dit, non, il faut que je fasse quelque chose en russe. Et pour vous donner une idée de son caractère, elle a chanté en 2013 lors du rallye qui a clôturé la campagne à la mairie de Moscou de l'opposant Alexei Navalny. Pour la petite histoire, et même la grande histoire, on n'a jamais su, on ne saura jamais s'il aurait pu ou non être élu l'opposant Alexei Navalny, puisqu'il a été arrêté avant même que les élections aient lieu. On l'a accusé de fraude. Enfin, c'est la méthode de Poutine, en quelque sorte. Un peu plus tard, en 2014, elle a fait une entrevue sur à quelqu'un, David McFadden, qui tient un site fabuleux sur la musique russe qui s'appelle Far From Moscow. C'est un groupe, c'est un site qui n'est pas en Russie, qui est en Californie. David McFadden, McFadden, il est du département de littérature comparée et de musicologie de l'Université de Californie. Donc, elle a dit à David McFadden qu'elle préférait se concentrer sur sa musique à propos de son implication politique, Nadia Gritskevich. On va écouter, parlant de se concentrer sur sa musique, on va écouter une pièce qui s'appelle... attendez un petit peu que je retrouve le titre. Et c'est une pièce qui est tirée, je vous avais dit tantôt qu'il n'y avait pas grand-chose de bon sur The Best of Russian Indie 2014, mais on va écouter cette pièce-là. C'est probablement la meilleure de l'album. Я сохраню. Я пересчитала сначала по дню. Я пересчитала сначала.

CKRL, la station. Topic du Capricorne,